Michel va vous chanter « Il nous faut regarder ». Et la deuxième chanson, c'est « Qu'avons-nous fait, bonnes gens ?» Derrière la saleté, s'étalant devant nous, derrière les yeux plissés et les visages mous, au-delà de ces mains, ouvertes ou fermées, qui se tendent en vain, ou qui sont point levées, plus loin que les frontières qui sont de barbelés, plus loin que la misère, il nous faut regarder. Il nous faut regarder ce qu'il y a de beau, le ciel gris ou bleuté, les filles au bord de l'eau, l'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient. L'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient. Par-delà le concert des sanglots et des pleurs et des cris de colère des hommes qui ont peur, par-delà le vacarme des rues et des chantiers, des sirènes d'alarme, des jurons de charretiers, plus fort que les enfants qui racontent les guerres et plus fort que les grands qui nous les ont fait faire. Il nous faut écouter l'oiseau au fond des bois, le murmure de l'été, le sang qui monte en soi, les berceuses des mères, les prières des enfants, et le bruit de la terre qui s'endort doucement. Les berceuses des mères, les prières des enfants, et le bruit de la terre qui s'endort doucement. Qu'avons-nous fait, bonnes gens, dites-moi, de la bonté du monde, on l'aurait caché au fond d'un bois, que ça ne m'étonnerait guère, on l'aurait enfoui 10 pieds sous terre, que ça ne m'étonnerait pas, et c'est dommage de ne plus voir, à chaque soir, chaque matin, sur les routes, sur les trottoirs, une foule de petits Saint-Martin. Qu'avons-nous fait, bonnes gens, dites-moi, de tout l'amour du monde, on l'aurait vendu pour je ne sais quoi, que ça ne m'étonnerait guère, on l'aurait vendu pour faire la guerre, que ça ne m'étonnerait pas, et c'est dommage de ne plus voir les amoureux qui ont 20 ans, se compter 1000 et une histoire, ne brûle plus les feux de la Saint-Jean. Retrouverons, bonnes gens, croyez-moi, toutes ces joies profondes, on les retrouverait au fond de soi, que ça ne m'étonnerait guère, on les retrouverait sous la poussière, que ça ne m'étonnerait pas, et c'est tant mieux, on pourra voir enfin d'autres que les fous chanter l'amour, chanter l'espoir, et les chanter avec des mots à vous. Qu'attendons-nous, bonnes gens, dites-moi, pour retrouver ces choses? Qu'attendons-nous, bonnes gens, dites-le-moi. Well, we heard Jacques Brel. Il nous faut regarder. We have to watch. And what he thinks about him, we have to watch. How beautiful the world is. We have to see and feel our true friends, how they are steadfast and stay with us. We have to, and over all of the noise of the sirens of cars and so on, we have to listen. We have to listen to the birds. The birds sing. We have to listen to the prayers of the children, the lullaby of the mothers. And I think he says something like the snoring of the father, who is sitting in his... But anyway, that's much better than listening to the sirens. So that was the first one, Il nous faut regarder. And the second one was, Qu'avons-nous fait, bonnes gens? What have we done, good people? And here again, he talks about we've made war, we have, and what we've had fights in the streets. But what have we done? I mean, and then we should rather, or he takes he looks at what has been done. I mean, the lovers have been going about at in the evening and so on. But then here we come and make war and so on. So. He, both of these songs are quite, well, they are somewhat critical of the general life, I mean, as one sees it. And as a matter of fact, these two songs are not two songs that are terribly often played. C'est pas connu. Or that they're very well known. No. So we hope to, well, present to you some certain songs that you haven't heard before and that are not as easy to get hold of. So that was Jacques Brel. Et maintenant, c'est Édith Piaf. Alors, Édith Piaf est très connue pour certaines chansons, mais je ne sais pas si vous connaissez ces deux. D'abord, Édith va vous chanter La vie, l'amour. Ça va être suivi comme à moi. Édith Piaf. La vie, ça se trouve dans l'amour, l'amour, ça se perd dans la vie, ça se donne par amour, l'amour, ça se prend par envie, la vie, ça rêve à l'amour, l'amour, s'éveille à la vie, car la vie, mais c'est dans la vie nous donne tout l'amour nous prend toute la vie ça meurt pour l'amour sa vie pour la vie c'est l'amour et c'est la Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant, je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière, dame. Le ciel vous comblait. Votre foulard de soie flottant sur vos épaules. Vous aviez le beau rôle. On aurait dit le roi. Vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle, j'en ai froid dans le cœur. Allez, venez,

comme moi dans l'instant où mon cœur en suspens se retient un moment contre toi. We heard Edith Piaf, La Vie, L'Amour, and that's one of the one song one also doesn't hear very often. And what she sings about is La Vie donne l'amour, so life gives us love, and you are my life. So she talks to her lover, and love is life, and this is basically what she sings about. I mean, basically, la vie, life and love are intertwined. The second one was Milord, and that's, of course, is one that is much more often played. And we know the story of Milord. I mean, it's she is a what she calls herself a shadow in the street of a port city. Une fille du port. Or in one of the little bars, and she's watched Milord coming in the day before, a couple of days before, with an absolutely stunningly beautiful lady on his following him, and she says this lady is so beautiful it gives you shivers. I mean, it's such a beauty, and now he is there and looks pretty sad. So the story, of course, is probably has been abandoned, and now she sings and tries to encourage him, say, come on, dance, have a dance, and don't laugh, don't sit there and mope. And but this is a, of course, and the rhythm goes faster and faster till the end. So this is one, Milord is one that is quite well known. And the third one is Comme Moi. And that, of course, again, is something that we don't hear that often. It's simply she looks at some girl, and sees what she's doing. So she is seemingly to have the best time of her life with the gentleman that she is with. And Edith sings, "Comme moi, like me." And he caresses her hair, and she's very happy. Like me, sings Edith Piaf. They go hand in hand, like me. But then at the end, things happen that are not so positive. I mean, somehow or other, they fall out and something happens. And then she is very sad, and she thinks, just like me, comme moi. Merci, Olaf. Maintenant, on va écouter Charles Aznavour. D'abord, c'est une chanson un peu triste, et moi, dans mon coin. Olaf va vous dire ce que c'est, mais il s'agissait d'un homme qui regardait les autres hommes, qui faisait des avances, si je dois dire, vers la femme avec qui il est. Et donc, lui, il reste là, dans mon coin, dit-il. Il ne dit rien. Ensuite, Charles Aznavour, en duo avec Edith Piaf, Plus bleu que tes yeux. Les deux chansons ont été écrites par Aznavour, mais je doute fort bien que Edith Piaf a enregistré ça avec Charles Aznavour. Sans doute, on a fait l'enregistrement séparément. Donc, Charles Aznavour chante avec l'enregistrement de Piaf. Alors d'abord, et moi dans mon coin, et puis

plus gris que le gris de ma vie. Rien ne serait plus gris, pas même un ciel de pluie. Plus noir que le noir de mon cœur, la terre en profondeur n'aurait pas sa noirceur. Plus vide que mes jours sans toi, aucun gouffre sans fond ne s'en approchera. Plus long que mon chagrin d'amour, même l'éternité près de lui serait courte. Plus gris que le gris de ma vie, rien ne serait plus gris, pas même un ciel de pluie. On a tort de penser, je sais bien, au lendemain. À quoi bon se compliquer la vie, puisqu'aujourd'hui, plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux. Plus blanc que tes cheveux dorés ne peut s'imaginer, même le blanc des blés. Plus pur que ton souffle si doux, le vent même moins doux ne peut être plus doux. Plus fort que mon amour pour toi, la mer même en furie ne s'en approche pas. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois que Charles Aznavour, first in a, well, somewhat sad story. Et moi, dans mon coin, and I in my corner. And basically the story is about, he is, apparently he's there, he's out with his lover or love or wife or partner or whatever. And he sits there in the restaurant and he observes how this other man dances with his, well, his love, and how she responds to him, how she, how she seems to laugh when he says something. He, apparently they are dancing and he sits there. I mean, the singer, Aznavour. And he is almost on the verge being totally anxious and has almost to tears while he is watching how the two are getting along, and apparently his love is just playing along beautifully with this other dancer. So that's his story, and he's almost crying, almost shedding tears, but he has to keep a straight face. And then the song ends with they apparently are leaving, and they ask him, how did you like this evening? He says, oh, very nice, very nice. And doesn't admit or clearly show how anxious and how troubled he was by this escapade. That may, of course, not be an escapade. It may actually end his love. All right, the second one is with Edith Piaf, Plus Bleu que tes yeux. And here he gives a whole gamut of colors. So, Plus Bleu que tes yeux is there anything more blue or is there bluer? What is the bluer? Clumsy sounding, but all right. So anyway, bluer than your eyes. Mm. So he sings when they are happy, when they're happy together. Then everything, his feeling is bluer than her eyes and bluer than the sky. And actually, in French, this blue doesn't have the same connotation in the sentimental context as American. I mean, this is very blue. I mean, very nice, very. But if ever you were going to leave me, he says, then things would be gray. And even actually, they would not only be gray, they would be black. So why complicate my life? Try to love me, and then again, my feelings will be bluer than your eyes, plus bleu que tes yeux. Merci, Olaf. Alors, Aznavour est vraiment un talent extraordinaire. Il a écrit des centaines ou peut-être même des milliers de chansons. Il est toujours vivant, 80 quelque chose. 88 au 88. Moins. Oui. Mm-hmm. Et il n'a pas l'intention de quitter la scène. Il veut tourner toujours devant son public. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va écouter? Nana Mouskouri. Elle est grecque, mais elle chante en plusieurs langues. Et elle aussi a vendu plus que n'importe quelle chanteuse, en français au moins. Et elle chante aussi en anglais, en allemand, en espagnol, hébreu. Elle va vous chanter « Adieu, Angelina ». C'est une chanson écrite par Bob Dylan, avec la version française écrite par Pierre Delanoë et Hugues Aufray, un chanteur connu. Ensuite, Nana chante « Coucou, roucou ». Bon, voilà, Nana Mouskouri. Adieu, Angelina, les cloches de la couronne ont été volées à l'aube, je les entends qui sonnent. Et je me dépêche, je dois les rattraper. Adieu, Angelina, le ciel est en feu et je m'en vais. Ce n'est pas la peine d'en faire une affaire. Ce n'est pas la peine d'ameuter toute la terre. C'est une table vide sur le bord de la mer. Adieu, Angelina, le ciel a tremblé, je dois m'en aller. Les rois et les reines quittent la basse-cour. 200 bohémiennes sont entrées à la cour. Dans la salle du Touba, rien ne va plus pour moi. Angelina, le ciel s'écroule, je te verrai plus tard. Regarde ces pirates dans la voie lactée qui tirent sur des boîtes avec un canoncier. Les voisins applaudissent, poussent des cris de joie. Angelina, le ciel se décolore, je dois me sauver. King Kong et les elfes vont danser sur les toits. De longs tangos typiques, tandis que de leurs doigts, des maquilleurs s'escriment à fermer les yeux de la mort. Adieu, Angelina, le ciel est trop sombre, je dois m'échapper. Les mitrailleuses crépitent, les poupées mobilisent. Des bombes plastiques éclatent dans les églises. Appelle-moi comme tu veux, je ne discute pas. Mes adieux, Angelina, le ciel se déchaîne, je vais chercher la paix. chante à l'oiseau qui danse. De nuage en nuage, j'ai pour lui la voix de l'espérance. Nana Mouskouri in Adieu, Angeline, and in Kukuru Kuku. Well, the first one, of course, is she, this is a young man who sings to Angelina, and he says his adieu, his goodbyes. The bells are ringing in the morning, and he has to leave. The sky is getting darker. So it's not exactly spelled out why he has to leave, but it seems he talks about the king and the queen who have apparently are engaged in some kind of a war, and it looks like he has to leave, and he has to go to the takeoff with the boat. He is trying to seek peace, but in any case, now he has to leave, and he says adieu, Angelina, and then he hopes that he'll see her again. But adieu in French is more than goodbye, or it has more finality to it, mm-hmm, than goodbye. Goodbye forever. Yeah. So that's a sad one, but the next one is kind of nice and lively. Kukuru Kuku. And this is a girl singing, and she is looking at the clouds. She is moving like a cloud and sees the wind moving the clouds, and she's very happy, and she sings to a bird, and she sings, and a male chorus sings kukuru kuku. Her heart is free. She lives, and she doesn't know how love will meet, or how she will meet love, but she is totally optimistic that things will be working out, and she sings to the bird, kukuru kuku. So even if she is lonely sometimes and sad, she still sings of love and sings with the bird, kukuru kuku. Which is the sound of the dove, the paloma. Yes. Kuku, kukuru kuku. Merci, Olaf. Alors, maintenant, quelque chose de différent. J'ai fait un voyage en France au printemps dernier, pendant fin mai, début juin, et j'ai fait une interview, plusieurs même. Vous allez écouter une de ces interviews avec un monsieur, ou bien Christian ou Christiansen, qui est patron. Depuis, sa famille avait ce château. Alors, c'était dans une ville qui s'appelle... voyons, qu'est-ce que c'est? La Romaine. Il va vous dire. C'est vraiment très, très belle, cette ville, parce que ça fait, c'est fait de deux parties. L'hôtel où j'étais, de M. Christensen, est en haut, très haut perché, dans une sorte de citadelle construite par les comtes de Toulouse, dans le 16e siècle. Donc, il va vous dire tout ce qu'il y a là-dessus. Alors, bonsoir, c'est Karine Minetti qui vous parle maintenant. Nous sommes à l'hostellerie Le Beffroi. Et j'ai l'honneur d'être ici avec le propriétaire, M. Jan Christiansen. C'est un nom bien connu à Minneapolis qui est plein de Scandinaves. Mais c'est assez rare ici en France. C'est assez rare, oui, tout à fait. Oui. Ma famille est d'origine danoise. Et en fait, mon père est arrivé jusqu'à Vaison, après un petit passage donc, en Allemagne, où il était résident à Wiesbaden. Et donc, il a rejoint la famille maternelle. Et depuis les années 1904, la famille est propriétaire de cet établissement. À l'origine, maison familiale, et depuis plus de 60 ans, donc, c'est transformé en hôtel où nous avons fait beaucoup d'aménagements. Ben, ça s'appelle une hostellerie. Quelle est la différence, hôtel, hostellerie? Ben, l'hôtel a plus une consonance moderne, si vous voulez. L'hostellerie rappelle un petit peu les hôtels, mais d'un ancien temps, avec une atmosphère un peu particulière, avec des pièces tout à fait confortables, avec des vieux meubles, et puis une ambiance tout à fait familiale, on va dire. Ben, je dois vous dire, c'est vraiment sensationnel ici. C'est dans une ambiance sympathique, mais tout ce qu'on voit, c'est sur haut perché, une sorte de château haut perché. Où est-ce qu'on est d'abord, monsieur? Eh bien, nous sommes dans la ville médiévale de Vaison-la-Romaine. Vaison-la-Romaine, donc une petite cité provençale, au nord d'Avignon, à l'est d'Orange et au pied du Mont Ventoux. Donc c'est un quartier perché sur la colline, à l'ombre du château, et le château des Comtes de Toulouse. Et donc nous dominons un petit peu la vallée de Louvèze et la ville nouvelle de Vaison-la-Romaine. C'était quand la date de la construction du château? Ah, le château remonte aux Comtes de Toulouse. Donc les Comtes de Toulouse et les évêques de Vaison se disputaient un petit peu la place de manière guerroyante, on va dire. Et donc le château lui-même n'a jamais été terminé. Mais par contre, nous, les premières maisons donc, de l'établissement, donc, qui vous hébergent aujourd'hui, donc, datent de 1554. 1554. Tout à fait. Oh là là. Et je dois dire que c'est charmant. C'est absolument charmant. On peut se promener dans les petites ruelles de l'ancienne ville ici, la cité. Ici, vous l'appelez ça une cité? Oui, la cité médiévale, mm-hmm. Oui, tout à fait. J'ai remarqué qu'il y a plein d'artistes là-bas. Avec des ateliers d'artistes. Tout à fait. Il y a beaucoup d'artistes qui se plaisent naturellement dans la région, ne serait-ce que pour la lumière, l'ambiance générale et puis la quiétude que nous avons ici dans les vieux villages. Donc c'est très plaisant. Et pas seulement ça, aujourd'hui on est descendu pour se promener dans la ville. Là-bas, c'est bien la même... Le même nom, Vaison. Oui, c'est toujours Vaison-la-Romaine, mais disons que c'est la ville nouvelle, tout à fait, la ville, donc le gros bourg qui a un gros marché qui se réunit, qui a lieu tous les mardis matins, et donc qui est tout à fait l'ambiance et l'animation de la région. Et je dois dire qu'on est entouré de vignes partout, avec le Côte-du-Rhône ici. Quelle sorte de marque est-ce qu'il y a ici? Eh bien, vous avez d'excellents vins dans toute la région, donc les Côtes-du-Rhône, des Côtes-du-Rhône Village, Gigondas, vous avez comme Kéran, Séguré, nous avons Sablé également, tous des vins qui sont très charpentés, donc typiques des Côtes du Rhône, et également aussi des vins des Côtes du Ventoux qui sont légèrement plus légers, mais qui sont très agréables à boire. Mais pas seulement ça, plus loin dans la ville, il y a l'ancienne ville romaine. Et on a fait des recherches, archéologiques oui. En bas, et c'était vraiment une merveille à voir. Alors, vraiment, vous êtes gâtés avec tout ce qu'il y a ici, la beauté, la santé. Oui, tout à fait. Disons que Vaison-la-Romaine, c'est le plus grand espace donc ouvert de fouilles romaines en France. Mm. Et on appelle donc les ruines romaines de Vaison la Pompéi française. Ah bon? C'est le plus grand espace donc du Midi en ruines romaines découvertes. Si jamais nos auditeurs aimeraient vous contacter, est-ce que vous avez une site? L'internet? Oui, tout à fait. Nous avons un site, donc lebeffroi.com, donc le-beffroi, P-E-2-F-R-O-I.com. Donc là-dessus, vous avez tous les renseignements en français, en anglais, les fiches de contact et puis un processus de réservation également en direct. Vous avez les renseignements directement si vous voulez réserver pour savoir l'attribution d'une chambre à une période ou à une autre. Ben, je dois vous dire, monsieur, qu'on a beaucoup, beaucoup aimé notre séjour ici. Je vous remercie. Mais écoutez, c'est avec plaisir. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, nous sommes là pour vous répondre. Et également à vos auditeurs qui sont demandeurs de renseignements pour la région et même pour les alentours, on peut tout à fait les renseigner. Avec Merci plaisir. Beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Eh bien, oui, tu peux faire un peu là-dessus, Olaf. Oui, oui, oui. Là justement, now I'm speaking English. In English, oui. All right, this is a short interview that Karil gave to or had with a... Well, actually, with the proprietor of the of the auberge in which they were, in which he was staying in this little town of Vaison-la-Romaine. Vaison-la-Romaine, which is near Avignon. It's about an hour's car ride to Avignon. So in the south, and it's still in the Rhône region, so that's where the wines, of course, are. But basically, the name of the proprietor is it's Barn Ashanting, Mr. Christensen. Christensen, yes, and that's why Karil got the interview. She said, "This is a name that we think nothing of in Minneapolis, but here in France." So then he, of course, laughs a little bit, and then he says, "Yes, his family came from Denmark." In the beginning around 1900, and installed themselves and put up this auberge. What do they call it? Le Beffroi. Le Beffroi, which it's, means it's really a hotel, more or less. It's not so countryfied as an auberge would be. So it's between an auberge and a hotel. Yes. And and it's right on top of a prominent mountain is not but cliff or something. Yes, it's huge, and it stands out on, you can see all over the from miles very far. And miles of vineyards. And basically what it was, he explains, first of all, let me say, he explains how his family then has been in France for now over 100 years, but mm-hmm. they're still the Christensen, and but then he talks about the chateau, or which was built or tried to or partially built by the Comte de Toulouse, by the Count of Toulouse, but he never finished it because he had difficulties. He had warlike encounters with the church or with the clergy at mm-hmm. the time, so it didn't really get anywhere. But he, since 1554, the edifice is there. And when they came in and bought the property, then they fixed it up to be this hostelry really, as already said, a hotel like, but something between hotel hostelries, is that? That's right. Yeah. But it's not as rural as auberge and not as sophisticated as a hotel. But what he explains is that in hostellerie, what they do is they try to put the right kind of decor, the furniture and so on is all period. Most of the salon was 19th century. So it's looked like it was right out of a Napoleonic era. And this this is what gives the charm of these. Yes. Caril asked about the little village down, but now they have not only La Romaine but also the La Ville Nouvelle, which is, well, when they talk about the Ville Nouvelle in France, that may be it's older than you would even think of, even before the revolution. Maybe a couple hundred years. A couple hundred years, yes. I mean, but it's Nouvelle is with respect to the chateau built in 1554. And the Roman ruins. And they have Roman ruins. So then really, I mean, that really puts them on the map as a very old site. And in the village, there are many artists who have their shops, have their ateliers. Up high, there's many artists up on the, next to the hotel. Next to that, yeah. So that, and little winding roads. And they prefer the quiet, they prefer the view, they prefer the climate. And then, of course, everyone likes the wines of the Côte de Rhône, and you have Côte de Rhône Village, which means a very nice wine, but local wine, or locally produced and sold wine. But then you have Gigondas, and which is a tremendously very expensive wine, also in the same area, on the same vineyards, Séguré. I mean, these are wines that make you. It te font baver quand on entend le. Makes you drool. It makes you drool when you hear those. And then, of course, it's not too far away on the east of it. You have the Côte de Ventoux, which is a limestone plateau on which different wines, lighter wines, also are produced. Well, the hotel, the Le Beffroi, had a wonderful dining room, too. We ate like kings there. Was terrific. And visiting the Roman ruins was quite interesting. They still have an arena that is used for productions in the summer, theater and so on. Very, very nice. Great place for visiting. And from there, we went on to Avignon and took the high-speed train, the TGV, Train Grande Vitesse, TGV. TGV, up to Paris, which was very comfortable and was just, I can't remember, a couple of hours passed quickly. Oh, that's very quick. Wonderful. Yes. So if you ever would want to go to this hotel, his website is Le Beffroi, and it's spelled L-E, and then a minus sign or trade union, and then B-E-F-F, like Frank, two times, Beffroi. Which means belfry. Belfry, and then .com, of course. When we booked this hotel named the Belfry, I thought, oh, are we going to be kept awake at night by ringing bells? But no such problem. It was a very nice stay. So, well, you want to hear another song here? We got time for... Well, how much time do we have for the... Let's hear one.

juste en dessous. C'est sûrement un rêve érotique que je me fais, moi les yeux ouverts. Et pourtant, si c'était réel, sous le soleil exactement. N'importe où, sous le soleil, exactement, juste en dessous. So we heard Serge Gainsbourg and Brigitte Bardot in Ford Mustang. Well, I don't, that doesn't need any translation, but so they were obviously very happy to drive in a Ford Mustang, and she would then would be like Mustang and then bang bang, I mean, kind of playing on words. And he, like a Superman, they drive through the streets, and they are just almost hitting on either side the platanes, the trees that line. Many were in the old days lined the old French highways. We had a lining of trees, and then you had a ditch. So if you didn't hit the ditch, you hit the tree. I mean, but anyway, this was, and then they talk about the briquet, which actually means a brick, but in slang this means 10,000 francs. That's oh, the money. Yes, un briquet. 10,000 francs. Une brique de 10,000. Yeah. Ah. And of course, I mean, one brique will not buy you a Mustang in France, but many, many bricks, many, many ten thousands will do. So that was old francs. A Ford Mustang with Serge Gainsbourg and Brigitte Bardot. The next one, again by Serge Gainsbourg alone, Sous le soleil exactement, under the sun exactly. And he sings about the tropics, the tropic sun, the latitude of Capricorn, and sings about the sun and, well, about how he will enjoy the sun with his love, and exactly the sun. And actually, he then talks about, he says, somewhere in Mexico, and actually in the archipelago, which is on the southern Mexico, on the east shore, and it's kind of very, apparently a very sought after tourist attraction. Well, it's not an attraction because it's actually mostly wild, and the natives still govern all the islands that are there, and it must be very interesting. And of course, there is sun exactly. Merci Ola. Maintenant, on a quelque chose de spécial, un programme qui nous a été envoyé par RFI, Radio France Internationale, avec la cora. Eh bien, qu'est-ce que c'est que la cora? C'est un instrument qui symbolise, si vous voulez, la musique africaine. C'était d'abord pour la musique folklorique et la musique des gens là-bas. Et ensuite, c'était pris aussi dans l'église, dans la musique que vous allez entendre plus tard. Mais voici maintenant quelque chose de moderne, et vous allez entendre Bassico. Bassico, voilà. Et c'est quelqu'un de Guinée. Il va vous jouer et chanter, pas en français, dans sa langue, Naboran. Et ça va être suivi par Afro-cubisme. Ça, c'est intéressant, cette histoire. Alors, je dois vous dire aussi que la première, Bassico, joue la cora acoustique. Son cousin, qui s'appelle Sekou Kouyaté, joue la version électrique. Je ne savais même pas que ça existait, la cora électrique. Bon, alors Afro-Cubisme, c'est la deuxième chanson, le groupe, et la chanson s'appelle Jarabi. En 1996, des musiciens cubains sous le nom de Buena Vista Club, Buena Vista Social Club, ont enregistré un album célèbre. Il devait être accompagné par des musiciens maliens. Malheureusement, les Maliens n'ont pas pu recevoir leur visa. 14 ans après, ce projet s'est accompli sous le nom d'Afro-Cubisme. Avec le Cubain Eliadis Ochoa, on entend le maître de la kora, Toumani Diabaté, ancien partenaire de Dali Farka Touré, qui était ici au CEDAR. Thank you. Fira lo ala, a quien ya la vi que Well, you were treated to a concert of Kora, and this is a arrangement and a program that was put together by RFE called the Special on Koras. And Kora is the the quintessential African string music. It's sometimes called the African guitar, but it isn't, of course. And it's a very old instrument, has a very long tradition. The kora is sung by and accompanies songs, and is especially those of the giro, those who griot, those who sing about people who actually sing entire genealogies to people and accompanied by the kora. And the kora is a as I said, an instrument that is a calabas, half a calabas, that has been strung, that has been where a long neck has been added, and then strings are strung on this neck. And the old kora, I mean the traditional kora, it was very difficult to tune because you had to twiddle the strings and the on little pegs. So in the 60s, 64 or so, a group of monks from Solem in France, these were Dominicans, arrived in Senegal, and which is West Africa, and then built up a monastery in which they also included local people, natives, and also prepared them for priesthood. And then they of the monks who came in, Dominique Cata, was very much interested in music, and he wrote music, liturgical music for the kora, and a kora that had been slightly refined in the sense that he was able to introduce keys that made tuning much more easier and much more consistent. So they were using the instrument as well as other African instruments for their religious services, and we'll hear something about that somewhat later on. The first one that you heard was Ba Sisoko from Guinea, and his song was Naboran, and he actually is quite famous and started his fame very much in the beginning of the 2000s, and he plays the acoustic model of the kora, and his cousin Siku Koyate is also he has played with him for quite a long time, and he has somehow or other they have fixed in a electrical device, so he plays the electrical kora. The song, of course, was in the local language, which is in Guinea. It's either Mandingo don't expect the translation from us here. The next one, it has quite an interesting story. It's the text. The group is called Afro-Cubism, and the song is called Jarabi, and sung by Toumani Diabaté, and it's from Mali. And Mali is one of the regions of Africa where the kora, the playing of kora, and the development of kora and the history of kora is very, very important and ancient. It's basically Mali and Senegal that are the countries where that kind of are at the origin of these. But anyway, Afro-Cubism, well, it on the one hand, it's Afro-Cubism. So you think you first when you hear the title, you think it's somehow or other related to Cubism, the paintings, but no, it's actually a project that was underway, in which the Cuban club named the Buena Vista Social Club, they wanted to record albums with the Africans, and they were supposed to be accompanied by the Mali artists, but they didn't get the visa to go to Cuba, so the project was laid on ice. But 14 years later, it was recreated under the title of by the group or that calls itself Afro-Cubisme, and Kora master is Eliade Okosha, and the Tumani Diabate, who is a former partner of Ali Farka Touré, and Ali Farka Touré is one of the most respected and best-known Mali Senegalese kora and singers. So that's... Yeah, one of the reasons I wanted to play this tonight was to show that this is past the kora, which was a noble instrument of the griot and in the Mandingo language and cultural group, has passed. The kora is now used in popular music, even in disco music. They brought some of it to France, and then we're playing disco music. But maintenant je parle français. C'est la chanson de l'abbé de Cœur Moussa, Sénégal. Alors c'est psaume 91, quand René le matin. Alors ça c'est l'abbé des moines français, maintenant des moines français et sénégalais. Et vous allez entendre la kora. Et aussi, je crois que c'est très clair, par un frère, Dominique Kata. Psaume Seigneur, patrie qui habite dans nos cœurs pour les siècles des siècles. Devant nous parlent de tes mains, je m'écris que des œuvres sont grandes, Seigneur. So now we heard the monks of the Abbey of Ker Moussa in Senegal presenting the 91st psalm, and this is the song is accompanied by two chorus, and this is the choir of the monastery. And basically, Ker Moussa is about 30 miles or something, or 25 miles from Dakar, towards the interior of the country. But well, it's still not too far from the coast. You were there, weren't you? And we have visited the abbey, and it's quite the church is quite, or the chapel is quite astounding. It's painted and decorated by in African art, but with a kind of mixing African art and Christian art, in a sense that it makes it very, very special. Mm-hmm. The person who was mostly involved in trying to get native both preachers and priests, I mean, and also players. It was Frère Dominique Cata, who actually at one point he got a Albert Schweitzer Prize here in on the East Coast, I think in Charlottesville or some, mm-hmm. And then visited the USA somewhat, and he came here. Actually, he gave stayed at your house, didn't he? He stayed at our house, gave an interview here at the at KFAI, and with Georgette, and then also visited St. John's, and he was quite active in promoting the liturgy that was also influenced or also partly prepared by Senegalese, mm-hmm. And now the number of Senegalese, of course, quite outnumbers the number of French. Mm-hmm. Origins, but the abbey is still part of the Solem group, or of the Solem, which is the mother house mm-hmm. in France. Merci. Alors maintenant on va changer, on va écouter Pierre Lapointe. Pierre Lapointe est un artiste, c'est un artiste canadien. Il est un peu avant-garde ou même très. Et dans ses chansons, il cache sa mélancolie dans des mélodies magnifiques et des arrangements subtils. Il jette son regard sur l'amour, la joie, le sexe, la mort et la mélancolie de la vie. Ça va être suivi par, drôle de nom, Chloé Pelgag. Alors vraiment, elle s'appelle Chloé Pelletier-Gagnon ou quelque chose. Oui, Chloé Pelletier-Gagnon. Alors, elle a abrégé à Chlo Pelgag. Elle va chanter Ariane et elle a seulement 23 ans et elle lance son premier album.

Pour moi, la seule chose qui soit claire, c'est que ça donne du goût à l'air. Fumer, fumer, tu le temps. Fumer, fumer, tu l'ennui. Fumer trompe la mort, fumer me réchauffe le sang. Lorsque la vie sent le tabac froid, alors je souffle sur sa braise, je ressuscite à chaque fois. Même pas mort, c'est de la foutaise. Sûr qu'à ce vilain petit jeu, on perd au moins 3 fois sur 2 à trop jouer avec le feu. On se brûle le cœur, on se pique les yeux. On s'écœure, on se fait vieux. Mourra bien qui mourra le premier, puisqu'il faudra bien qu'on y passe, qu'on trépasse. En attendant, je crache ma fumée à la gueule du temps qui passe. Fumer, fumer, tu le temps. Fumer, fumer, tu l'ennui. Fumer, fumer, tu le temps. Fumer, tu l'ennui. Fumer, fumer, tu le temps. Fumer, tu fumer trompe la mort, fumer me réchauffe. Thank you. we had Pierre Lapointe in Nos Joies Répétitives. Pierre Lapointe is, well, he comes from Canada and is actually well known there in the sense that he produces avant-garde songs, lyrics, and he has both melancholic as well as socially biting types of melodies and texts that he is singing. He sings about love, happiness, death, and the melancholy of life. So what we had here was the Nos Joies Répétitives, our repetitive joys. And he sings about when the age of rebellion comes and when doubt arrives, then we have our repetitive joys. And we, well, at this age, boys kiss girls and girls kiss boys, but the secret dream is to meet the true love. And then you have repetitive joys. After Pierre Lapointe, you heard a kind of a public service from us, which is Fumez-tu by Léonide. And I don't have to say very much more. I mean, they sing, they actually have a whole song about how smoking kills people. And it is repeated in various rhythms, but basically the basic message is fumez-tu, smoking kills. And that's quite extraordinary for a for a singer of popular songs. Anyway, that was our contribution. And the next one that you heard was Clos, Pelagai. And her name is Chloé Pelletier-Gagnon, so she shortened it. And she is, she just has come out more or less as a musician. And at 23 years, she is gaining quite a lot of traction and people and audiences. So in her song, she sings about Ariane. And she says, Ariane sends out bright lights, rayons of shining bright light. Describes, I mean, how Ariane, she should talk to the mirror. She is so nice. And obviously, if you shine like this, you have to be nice. Merci. Alors, maintenant, on écoute Guillaume Depardieu. C'était le fils de Gérard, l'acteur. Alors, sa chanson s'appelle « Faisons l'amour ». Il est mort à l'âge de 37 ans, très jeune. Il a laissé 11 chansons, une maquette et ses mots. Il faut que ce disque sorte. C'est une question de vie ou de mort. Sa famille a réalisé ce souhait en sortant le disque. L'album qui s'appelle Post-Mortem, un titre qu'il a choisi, Guillaume a choisi, je crois qu'il connaissait qu'il allait mourir. Je crois que peut-être c'est à cause qu'il a dû faire amputer une jambe après une infection terrible. Alors, une infection nosocomiale, peut-être c'était ça aussi qui a causé sa mort. Ça va être suivi par quelque chose de plus... Oh, la chanson. Faisons l'amour. Et ça va être suivi par les chercheurs d'or. Les blues d'être tout seul en prison. Viens contre moi, déchirons-nous, caressons-moi, ne cessons pas de nous haïr, et puis baisons une dernière fois. Viens, blottis-toi, tailladons-nous, et suce-moi, ne cessons pas de nous punir pour mieux baiser encore une fois. Viens, déchirons-nous, faisons-nous mal, faisons l'amour. Approchez-vous, je vais vous raconter l'histoire d'un homme et d'une femme fous alliés, vivant une passion qui les laissait bien dépassés, bien stupéfaits. Abasourdi, toujours sous le choc des électrons incontrôlables, bien incapables de calculer dans les tourments et s'enfoncer autant de pièges inéluctables. Quand un homme aime vraiment une femme, quand un homme aime vraiment une femme, et versa au vice, et sans malice, même quand complice. Viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens contre moi, déchirons-nous, caressons-moi. Ne cessons pas de nous haïr et puis baisons une dernière fois. Viens, viens, blottis-toi, tailladons-nous et suce-moi. Ne cessons pas de nous punir pour mieux baiser encore une fois. Viens, déchirons-nous, faisons-nous mal. Des fois quand je trouve c'est ben trop jeté au trou comme un vieux reste de table. Jules Blues est tout seul en prison. De la vie, je me suis gossé une corde avec les drones, mon lit. J'ai le blues, d'être tout seul en prison. Et même si Dieu lui-même il veut me faire la peau, ben sur mon petit nuage, j'en aurai pas de barreau. Et plus le blues, d'être tout seul en prison. J'ai plus le blues, d'être tout seul en prison. The first song we heard was by Guillaume Depardieu, and as the name implies, he is the son of the famous actor. But the tragic thing he died at the age of 37, and must have undergone some very excruciating pain and operations and so on. He left 11 songs and a kind of a design for how he would like the cover to be, and he let his family know that il faut que ça disque sorte, it's absolutely necessary that this CD will be finished and be done. It's a question of life or death, and which in his case of course then came true. And his family then edited and put these songs on CD and in albums, which has the title Post Mortem. And you can feel his song was Faisons l'amour, let's make love, and you can actually it's palpable when he sings. That he apparently he must know. I mean that obviously he must have known that this mm-hmm. this was the end, and so his song is a cry for. He says, when a man really loves a woman, then there are no vices. He sings to his love, come closer, caress me, and this may be the last time, or caress me for the last time, one more time for the last time. So it's very disturbing. I mean, you practically feel with him. I mean, he is at the end of his life as it mm-hmm. is, and the melody and the text was actually pretty very nice. So the next one was somewhat more simple. It was Les Chercheurs d'Or, the Gold Diggers. It's a Quebecois group, and it's kind of in a country style, and it's the blues d'être tout seul en prison, the blues of being all alone in prison. And he sings, of course, of all his friends who are out there, and he has to be alone in prison, and that's kind of very... very sad, but the music was actually not so sad. Merci, Olaf. Alors, c'est le temps pour vous dire au revoir. À la semaine prochaine, au revoir, Olaf. Au revoir, Caril. Et on va écouter en partant une peu de Cora de l'abbé de Cœur Moussa. Au revoir. Thank you. balkan, gdzie dobre.